what the fuck is kick and slap? Il va dire que je chante pas juste. Well, chap, chap, voilà mon système d'abri, je viens dans le tilap, tilap, tilap, tilap. Fais dire, genre, ça a pas rap. La carte est trop loin de la route de Manouche. Il va dire, taxi. Yeah! Mesdames et messieurs, nous entendons présentement un extrait du concerto pour hache et marteau à six mesures interprété par Al Toot. Il va dire que la plouque a chic. Il n'a pas plein, je fais la bande de plouque qu'on flole. Il va dire que je joue de la flûte. Il va dire qu'il a faim. Il va dire qu'il a bien, bien swift. Il va dire mon doudou. What the fuck around the clock, my ass? Il va dire qu'il aime ça faire des bébés. Full, full, full of love is my heart. Il va dire qu'il y a 33 filles pis 3 gars. Baby, baby, baby, www. Pis tout ça, sans Viagra. Daddy, daddy, daddy, daddy, for those you want more rock, my baby. Là, il va chanter un bout. Well, stick it, man, roll up, so, so, steady, you'll never be home. C'est-à-dire, encore. Oh là là là, la vie est belle. Oups là, oh, celle-là, je l'ai pas compris. Go, go, go, baby, baby, baby, hallelujah. C'est-à-dire que c'est juste pour le fun. Wendell Cobo! They push you Wendell Cobo!